sensible la fiction, aujourd'hui Brice Fletiot, otage et reporter, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Manuel Calma, réalisée par Michel Sidorov. Aujourd'hui dans l'affaire sensible la fiction, nous vous racontons l'histoire du reporter photographe Brice Fletiot. En septembre 1999, il a 31 ans. Journaliste indépendant, il veut témoigner de ce qui se passe dans une région reculée où les milices tchétchènes sont en guerre contre l'armée russe, donc en Tchétchénie. Les journalistes ne sont pas les bienvenus, bien sûr, et pour certains groupes mafieux, ils peuvent même devenir une marchandise qu'ils peuvent négocier et ainsi récupérer de l'argent. Brice Fletiot décide de couvrir ce conflit, il part discrètement, seule sa femme est prévenue. Les journaux, les agences, eh bien, il les informera après, quand son reportage sera avancé. Le 28 septembre 1999, il décolle de Toulouse pour la Turquie, puis entreprend officiellement un trek dans les montagnes géorgiennes. C'est donc clandestinement qu'il veut entrer en territoire tchétchène. Or, il est enlevé par un groupe armé en Géorgie, juste avant d'atteindre la Tchétchénie. Après plus de 8 mois de détention dans les caves et sous les bombes, menacé d'être tué, Brice Fletiot, enfin libéré, regagne la France le mercredi 14 juin 2000. Il en écrira un livre en 2001 intitulé « Otage en Tchétchénie ». 5 jours plus tard, le 24 avril 2001, il se suicide. Il avait 34 ans. Ces otages journalistes, ces noms dont on se souvient, que l'on ne peut pas oublier, évidemment, comme Florence Obona, otage en Irak en 2005, Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin, Pierre Thor, otage en Syrie en 2013, et encore, avant, Christian Chéneau et Georges Malbruno, enlevés en Irak en 2004, ou Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat au Liban en 1986, Hervé Guéquier, bien sûr, Philippe Rochaud, la liste évidemment n'est pas exhaustive. Mais le calvaire de ces hommes et de ces femmes est terrible et les dangers qu'ils ont affrontés pour faire leur métier de journaliste sont bien réels. Pour nous accompagner dans la seconde partie de l'émission et nous aider à comprendre ce que ces otages ont vécu et les enjeux du journalisme dans les pays en guerre, nous recevrons le journaliste Pierre Aski, président de l'association Reporters sans frontières. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Brice Fletiot, otage et reporter, de Manuel Calma. Une réalisation de Michel Sidorov. J'ai chaud. Je crève de chaud. Quand est-ce que cette bande de chiens va m'enlever cette cagoule? Hé, hey, le français! Tu m'entends, le français? Tu vas nous raconter ce que tu es venu faire là, ok? Putain de Kaboul! Je peux pas parler! Attends, penche-toi un peu. Qui t'envoie? Je vous ai déjà dit, je suis journaliste. Je suis là pour vous. Ouais. Qui t'envoie? Personne. C'est quoi ton journal? Indépendant. Connais pas. Je suis freelance. Je suis indépendant, je bosse pas pour un journal en particulier. Indépendant? C'est nous les indépendants. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je viens rencontrer votre président, Maskhadov. Maskhadov? Mais c'est pas notre président qui va payer pour te libérer. C'est ton président, Jack Chirac. C'est ça. Eh, hey, ça coûte cher l'indépendance. Tu sais combien ça coûte une arme de guerre? Un Stinger? C'est 30 000 dollars. Et les roquettes US, ça coûte une blinde. Ils en font un paquet pour dégommer les avions russes. Si tout roule, bah, tu seras libéré avant Noël. En attendant, tu pars avec moi. Je t'emmène à l'abri. À l'abri de quoi? À l'abri de qui? Tais-toi et fais ce qu'on te dit. Août 1999. Le chef Chamil Bassaïev vient de lancer une offensive au Daghestan, petite province au sud de la Tchétchénie. Pour le pouvoir central russe, le prétexte est tout trouvé pour déclencher une seconde guerre contre Grozny, après celle de 1994-1996. L'objectif du pouvoir central? étouffer dans l'œuf les récentes velléités d'indépendance de la République caucasienne. Brice Fletiot, 31 ans, photoreporter indépendant, veut témoigner de ce qui se passe dans cette région reculée où les journalistes sont loin d'être les bienvenus. Le journaliste a préparé son séjour en toute discrétion. Seule sa femme Dana et son frère Cédric sont informés de son projet de rentrer dans la plus grande clandestinité sur le territoire tchétchène, de gagner Grozny par les montagnes et de rencontrer son président, Aslan Masralov. Le 28 septembre, il décolle de Toulouse pour Ankara, puis Trabzon, station turque sur la mer Noire. Parti officiellement faire un trek dans les montagnes géorgiennes, il est enlevé par un groupe armé à Chatili, juste avant d'atteindre la Tchétchénie. Allez, avance. Baisse la tête, tu vas te cogner. Oh ah, bah tu vois, je te l'avais dit. Excuse-moi, avec cette cagoule, je vois quelque chose. Tais-toi, je t'ai dit. S'il te plaît, Hyssen, enlève-moi cette cagoule. Une cave, c'est une cave. Je vais finir par connaître toutes les caves de Tchétchénie si ça continue. Attends, viens là. Voilà. Allez, va t'asseoir. Va t'asseoir, je te dis. Cette fois, tu as de la compagnie. Je vous laisse faire les présentations. Antoine, le Géorgien, là. Fais-lui une place. C'est un Français. Il est intelligent, lui. C'est pas comme tous ces porcs de Russes. Ruski Schwein. Bon, vous partagerez la bassine maintenant. Je vais la remplir tous les jours. Vous pourrez vous laver. Après, vous pourrez pisser dedans. Pour chier, vous vous débrouillez. Le trou, il est bouché. Quand est-ce qu'il sera plus bouché? Skoda. Bon, c'est bien clair? Limpide. Où est le chef? Où est Badroudi? Le chef, c'est moi. Badroudi, il est parti sur le front. Si tu obéis, bientôt tu es libre. Ok? Ah ouais, Skoda, Skoda, bientôt. On sait ce que ça veut dire bientôt pour vous. Ouais. Tu parles anglais? Ouais. C'est une base arrière ou quoi? Les entrepôts, un arsenal, c'est une armurerie de l'autre côté de la cloison. Imagine que ça explose. Ah, ça. Des kalachs, des stingers, des lance-roquettes, des grenades. Tout un arsenal, comme tu dis. Tiens, celle-là, elle est pas tombée loin. La ligne de front est en train de bouger. Les Russes mettent la pression. Ça veut dire que nous aussi, on va encore bouger. Ah, je m'appelle Brice, enchanté. Et moi, c'est George. La classe. Quoi, la classe? D'être français. Tu vas me parler des Champs-Élysées, c'est ça? Ouais. Tu connais la Géorgie? Oui, j'ai traversé pour venir ici. Tu n'as pas été enlevé dans ton pays? Non. En Ossétie du Nord, cet été. J'allais voir mon oncle. Tu sais combien tu vaux, toi? Non. Et toi? Je suis passé de 100 000 à un demi-million de dollars. Comment tu veux que mon petit pays débourse ça? Je suis pas né au bon endroit. Alors que toi, français, c'est Dior, c'est Chanel. Jean-Paul Gaultier. Des pépites. Moi, je vais pas m'en sortir. Mais toi, si. Pour toi, c'est juste une question de temps. Skoda, Skoda, comme ils disent. Ouais, Skoda. Tu parles comme eux. Tiens, prends ça. T'as besoin de te requinquer. Tu crois que la vitamine C, ça va me retaper? Ah, je préfère les gros pétards des geôliers. Ils font tourner, parfois. Un bon antidépresseur, je t'assure. Pourquoi pas, je suis pas contre. Tout est bon pour s'évader. Dans la tête, je veux dire. En attendant, on va bien structurer nos journées. Avec quoi? On a rien de rien. On mange, on discute, on apprend la langue de l'autre. On va noter tout ça. Je reprends. On se lève entre 10h et midi. Ça va ? On mange ce qu'il nous reste de la veille, donc pas grand-chose. Mais ça marque un temps. Après, on se débarbouille. On dit que ça prend un quart d'heure chacun. Ah, aussi, on prend notre comprimé de vitamine C. Voilà. Et puis moi, j'écris. Toi, tu fais ce que tu veux. T'aimes faire quoi en ce moment ? Quand je peux, j'éclaire mes icônes avec la bougie et je les regarde. Ben voilà. Alors tu pries. Ça t'occupe, c'est bien. Et pour le sommeil, on joue aux cartes. Le premier qui s'endort a gagné. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que quoi ? Je sais pas. L'avenir nous le dira. Si au 15 décembre, rien ne bouge, faudra que nous, on bouge. T'as un plan ? Peut-être bien. Tu sais où on est ? Pas loin d'Argoun, je crois. Oui, tout près. On a le fleuve à nos pieds. Et tu sais où il va le fleuve Argoun ? Tout droit chez moi, en Géorgie. Ouais. Tu vois le mur ? Il se casse la gueule. Il est bouffé par l'humidité. On rentre comme dans du beurre avec une fourchette. Juste derrière, c'est le conduit de la cheminée. C'est pas haut. Sur le toit, on accède à une petite lucarne et on n'a que le couloir à traverser. Un mur à escalader et on est dehors. Faut étudier. Ça me rappelle Alcatraz. Tu connais ? Qui ça ? Non, rien. Les visites des geôliers, on les connaît. Celles en dehors des repas et les pétages de plomb des mecs qui ont trop fumé, ça c'est plus compliqué. Et puis t'as les mecs qui rentrent bourrés et qui viennent nous crier dessus, la calache au poing. Ça fait pas mal d'imprévus. Suis-moi, Brice. Allez. Encore, mais ça va servir à quoi ? Allez, viens, je te dis. Tiens, viens, voilà. Mets-toi là, à droite du spot, là. Ouais. Et bouge pas, hein. Bouge pas, je te dis. Attends, j'installe la caméra. Voilà, bouge pas. Voilà. Ok. Voilà. Et maintenant, tu parles, hein. D'accord ? Tu racontes ce qui se passe, ok ? Tu dis pas où tu es, ni qui on est. À part ça, tu dis ce que tu veux, n'aie pas peur. Tu dis qu'on te traite mal, que t'en peux plus, enfin, tout ce qui te passe par la tête. On s'en fout et ça te fera peut-être sortir plus tôt, qui sait ? Allez. Ok. Regarde devant toi. Lève la tête, là, plus haut. Voilà, bouge pas, c'est bien comme ça. Allez, vas-y maintenant. Je m'appelle Brice Fletiot. J'ai 31 ans. J'ai été enlevé le 1er octobre 1999. Je suis journaliste indépendant. Je suis traité comme un chien, un animal. Ils viennent n'importe quand. Ils me réveillent. Ils sont complètement sous. Ils s'amusent, quoi. Ils font ce qu'ils veulent de moi. S'il vous plaît, faites quelque chose pour moi. Le 31 octobre 1999, les rues de Grozny tremblent sous les obus russes, tandis qu'à Toulouse, la famille de Brice Fletiot découvre peu de temps après le message filmé par les ravisseurs du reporter, passé dans les mains du FSB, les services secrets russes, et par Vladimir Poutine, le nouveau Premier ministre de la Fédération de Russie. Sa stratégie ? Montrer que les Tchétchènes kidnappent des Occidentaux et les maltraitent. Son but ? Dissuader les journalistes occidentaux de venir témoigner de ce qui se passe dans la République tentée par l'indépendance. Les preuves de vie sont remises à l'ambassade de France à Moscou, qui les transmet au Quai d'Orsay. Pour que la boucle soit bouclée, elle est largement diffusée dans les médias français, Un parcours tout ce qu'il y a de plus classique, en somme. La famille du reporter décide de se battre et monte un comité de soutien. C'est le début d'un marathon médiatique. Une série de spots diffusés sur les radios scandent « Brice Flotio, Brice Flotio, Brice Flotio ». À force de répéter son nom, il finira bien par rentrer. Le temps s'étire des deux côtés de l'Oural. Brice et Giorgi scrutent le moindre signe. Mais rien ne semble aller dans le sens d'une libération. Et les semaines passent. À qui t'écris ? À ma femme Dana, elle doit s'inquiéter. À ta femme ? Non mais quelle idée ! C'est un fou ce mec ! Il est lâchement ses papiers, hein ? On dirait que c'est, je sais pas moi, de l'or, des rivières de diamants. Tellement il y tient. Badroudi, ton chef, il m'a autorisé. Il m'a même donné des feuilles et un stylo. Quand Badroudi est pas là, c'est moi qui décide. Compris ? Qu'est-ce qui lui prend de venir m'emmerder comme ça ? Mais rien, te bile pas. Il a mal mangé, ou il a plus de cigarettes, ou il est pas allé au front depuis longtemps. La peur revient, alors il passe ses nerfs. Va savoir, laisse pisser. Mais attention, mon ami. Prends soin de ton journal. Ils ont repéré ta faille, ils en parlent beaucoup. Ils vont pas se gêner pour jouer avec tes nerfs. C'est déjà fait. Il faudra qu'il me tue pour me voler mes feuilles. C'est devenu ma seconde peau. Merde, voilà, c'est reparti. Allez, tu viens tout de suite, toi, le français. On s'en va. Tu prends toutes tes affaires. Allez, allez, allez, on s'arrache. Allez, dépêche-toi, je te dis. On se reverra, Georgie, j'en suis sûr. N'oublie pas, mon ami, il faut tenir, tenir, tenir. Allez, plus le temps, là, allez, on s'arrache. Tiens, allez, tiens, mets ça sur ta tête. Allez, plus un mot. On y va. Badroudi s'occupe de toi dans 5 jours au max. Tu seras libéré. Allez, allez, on y va. Dans 10 jours, dans 5 jours, demain, puis à nouveau silence radio. L'hiver est dans quelques jours à peine. Et l'attente sera longue avant un nouveau transfert. La planque actuelle se situe à 3000 mètres d'altitude, perdue dans les montagnes du sud, à l'ouest d'Itoumkalé, à quelques encablures de la frontière géorgienne. Brice Flotio est aux aguets. Les réserves de nourriture se réduisent. Ça peut être le signe d'un déménagement possible. Ou pas. Un chef réapparaît sur le campement. C'est peut-être pour l'emmener. Ou pas. Une accalmie dans le traitement qui lui est réservé. C'est peut-être pour le préparer à une libération prochaine. Mais l'espoir retombe vite. Les nerfs sont mis à rude épreuve. Ses ravisseurs restent impénétrables et imprévisibles. Oula ! Ne crains rien. Ils volent encore très haut, ces avions. C'est des Stukach, des avions espions. Ils nous surveillent. Mais c'est pas demain la veille que les Russes prendront les montagnes aux Tchétchènes. Pourquoi ils ? Pourquoi toi et Sacha, vous n'êtes pas armés ? Tu as pas compris ? On est comme toi. Tu viens d'où ? Et lui, Sacha, il vient d'où ? Depuis quand vous êtes retenu en Tchétchénie ? Sacha ? Il est ukrainien. C'est un businessman, tu sais. Ça fait 8 mois qu'il est là. Il a passé 6 mois dans une cave, au pain et à l'eau. Moi, ça fait 14 mois. Je viens du Daghestan. Je suis dans le pétrole, mais c'est pas moi qui ai de l'argent. Je vaux que 100 000 $. Et même ça, ça se réunit pas comme ça. Demain, je t'apprendrai à faire du pain. Pourquoi pas ? Ça y est, c'est la pause. Ouais. Maintenant, ils vont jouer aux cartes, picoler et s'engueuler. C'est quand même dingue. Quel que soit l'endroit où ils sont, il faut qu'ils se chauffent entre eux. Il faut bien qu'ils se divertissent. C'est aussi ça, la guerre. Savoir lâcher. Et garder ses couilles bien accrochées. Ici, ils ont du pain, du riz, des clopes et des shots de vodka. Alors, ils se lâchent. Méfie-toi des douches. Il est sadique. Il te regarde. On change de sujet. On sait faire le pain dans ton bled ? Malheureusement, non. Dans mon pays, en France, on sait plus rien faire. On achète tout. On est des assistés. Je t'apprendrai à monter et à démonter une arme aussi. Tu veux ? Ah non, merci. Moi, j'ai une autre arme. C'est l'écriture. Et toi, le français ? De quelle arme tu parles ? Tu caches une arme ? Il me touche pas ! Comment ça me touche pas ? C'est moi le chef. Je décide si toi tu meurs. Ferme-la ! Et bouge plus, ok ? Je t'ai dit, méfie-toi de lui. C'est un poison. Ok. Ils ne m'entendront pas de sitôt. Depuis qu'il est là, celui-là, c'est l'enfer. Il a besoin de mettre ses couilles sur la table. Et qui est-ce qu'il prend dans la gueule ? Moi, l'otage. Moi, Brice Fletiot. Je ne suis rien à leurs yeux. Ils ont oublié que j'étais un homme. Je ne suis au mieux qu'une monnaie d'échange. Je relirai ces lignes. Un jour, peut-être. Qu'est-ce que tu fais, le français ? Encore tu écris ? Après Rouslan, ce sera toi qui seras libre. Mais faut attendre. Tchut-tchut. Tchut-tchut, ouais. Encore des paroles en l'air. Non, mais quelle bande de tarés. Idouche, cinglé. Et ce gros porc de Badroudi, il est où ? Peut-être qu'il est mort. Je ne peux même pas le souhaiter. De lui dépend ma liberté. Les geôliers ont tenu parole. Rouslan a quitté le camp. Les semaines s'enchaînent. Brice pense à sa fille. C'est son anniversaire aujourd'hui. Noël se profile. Que faire ? Tenter de fuir ? Pour aller où ? Les forêts et les grottes alentour sont truffées de combattants. Et les Russes les traquent de tous les côtés. Les MiG et Sukhoi, chasseurs et bombardiers, succèdent aux avions de repérage dans un balai incessant. Les bombardements se font plus nourris, plus précis. Des hélicoptères russes lâchent des commandos dans la montagne pour déloger. Et malgré ce que raconte Idouche, le taré et ses hommes, le rapport de force est inexorablement en train de s'inverser. L'ouverture d'un nouveau front le long de la frontière avec la Géorgie ne fait que confirmer que la zone n'est plus aussi sécurisée. Brice est fatigué. Allez, on reprend. Il faut que tu connaisses ta leçon. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Brice Fletiot. J'ai 31 ans. J'ai été enlevé le 1er octobre de cette année. Oui, Brice Fletiot. Qui t'a kidnappé ? Je ne sais pas. J'avais tellement peur que je n'ai rien compris. Bien. Où on t'a emmené ? Je n'ai rien vu. J'avais toujours les yeux bandés quand ils me délaçaient. Parfait. Pas le moindre nom. T'as compris ? Ils vont te montrer des photos, ils vont te cuisiner sur nous. Tu ne sais plus qui t'a enlevé de toute façon. Je ne dirai rien. Demain, on quitte le camp. Ça veut dire qu'on retourne en ville ? Est-ce que je t'ai autorisé à poser une question ? Dans une heure, c'est la rupture du Ramadan. Ce soir, tu es autorisé à manger en même temps que nous. C'est mon anniversaire. Pourquoi toutes ces recommandations ? Est-ce que ça veut dire que cette fois-ci, c'est la bonne ? Pourvu qu'ils ne me vendent pas un autre groupe. Ça voudrait dire que je recommence à zéro. La nuit va être longue. Ça fait des semaines qu'on n'a rien mangé de très consistant. Peut-être que c'est la dernière fois que je vois tous ces visages. Voilà 7 longs mois que le jeune reporter a été enlevé. Le passage à l'an 2000 est déjà loin, le printemps s'est installé. À Paris, le comité de soutien ne lâche rien. Pétition, sensibilisation du plus grand nombre à la cause de ce jeune reporter indépendant, enlevé depuis 7 mois maintenant. Ils œuvrent en placardant des affiches, en publiant des articles et en diffusant les rares images de sa détention. Les politiques aux manettes, à commencer par le Quai d'Orsay, et Reporters sans frontières ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Et les ondes ne sont pas très bavardes, justement. Transféré à Chatoy, pendant quelques semaines, la vie de l'otage prend une tournure qu'il n'aurait jamais osé espérer. Pour gagner la confiance de ses nouveaux geôliers, il va se rendre indispensable dans différentes tâches. La nouvelle cache fait office de base arrière pour les combattants et leur chef, un certain Koury. De plus en plus de blessés affluent de jour comme de nuit. Brice s'improvise infirmier, cantinier dans un seul but, récupérer une caméra et faire quelques images. Koury et ses hommes apprennent que Chamil Bassaïev, leur chef de guerre, est sévèrement blessé et que le maire de Grozny, Letchi Doudaïev, a été tué. Le pays s'enfonce dans le chaos. C'est le règne du chacun pour soi et du système D pendant plus de 3 mois. Jusqu'à ce que Badroudi débarque en pleine nuit. Eh, rentre tes affaires, le français. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Badroudi, c'est vous? Je croyais que vous étiez mort, on parlait plus du tout de vous ici. Où est-ce que vous m'emmenez? Tais-toi! Ne rien oublier. Mon journal. Surtout mon journal. Suis-moi. Bon. On reprend. Tu te souviens? Oui. Je connais ça par cœur. Je m'appelle Brice Flotiot, j'ai 31 ans. J'ai été enlevé... Ok, ça va, ça va. Tiens, reprends ton passeport. Je dirai rien. Des gens qui sont capables de tuer un homme pour 10 000 dollars existent dans n'importe quel pays. Ne l'oublie jamais, compris? Libre. Brice Flotiot est officiellement libre ce 12 juin 2000. Remis à un petit commando russe dans un village entre Chahargoun et Chatoy. De retour en France, il qualifie sa détention de formidable leçon de vie. Dans le livre qu'il écrit quelques mois plus tard, il revient sur ses 8 longs mois de détention et sur ce morceau de vie si difficile à recoller. S'il y a une notion omniprésente dans ces pages, c'est naturellement le temps. Les mois, les jours, les heures, les minutes. Dans ma vie, je n'ai jamais été aussi conscient du temps qui passe. Mais l'horizon de cette attente n'était pas seulement ma libération. Ce que je m'efforçais de faire également dans ces pages, c'était d'essayer d'organiser mon futur, faire en sorte que mon calvaire ne soit pas une fin en soi, mais un nouveau départ. Je pensais que la vie me donnerait une nouvelle chance une fois rentré. Mais le destin en a décidé autrement. Cette nouvelle chance ne se représentera pas. Le 24 avril 2001, Brice Flotiot décide d'arrêter définitivement le temps, devenu sans doute beaucoup trop pesant. C'était Brice Flotiot, otage et reporter, de Manuel Calma. Avec Pierre-Marie Baudouin, Mousse Zouhéry, Victor Ponomareff, Daniel Krellenstein, Martin Amic, Manon Leroy. Bruitage Elodie Fiat. Prise de son, montage, mixage Pierrick Charles, Amandine Grévose. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Michel Sidoroff. Why does my heart my soul feels so bad? Why does my heart feel so bad? Why Inter. Affaires sensibles, la fiction. Bousculade, larmes de joie, 27 novembre 87. Roger Hauque et Jean-Louis Normandin retrouvent la famille, les confrères et surtout la liberté. À cet instant précis, elle a encore un drôle de goût. Je me souviens du goût de la peur, parce qu'il est plus fort que celui de la liberté, parce que la liberté, c'est quelque chose de très difficile à cerner, à définir, à comprendre, alors que la privation de liberté, la proximité de la mort, l'humiliation, tout ça, ça a un goût. Les simulacres d'exécution, les coups, les privations, il les a connus, comme Christian Cheneau et Georges Malbruno. Les phrases dictées sous la contrainte aussi. Tout cela, il a fallu l'exorciser. Bon, je voudrais dire à ma famille d'abord que tout va bien. Par là, le cavalier, c'est ça ? Ouais. Oh, la mémoire. 628 jours de détention de mars 86 à novembre 87, puis 17 ans pour se reconstruire, mettre des mots sur l'indicible. 17 ans avant d'oser revenir à Beyrouth sur les lieux de sa détention, une de ses thérapies fut de parler à une caméra. J'ai pris la parole devant une caméra en disant ce que je pense, ce qui est une expression de liberté, alors qu'on m'avait fait dire des choses qui étaient écrites et on m'avait obligé de lire et de dire des choses devant une caméra, ce qui est une humiliation sans nom. J'ai pu évacuer par ces gestes, par ces actes tout simples, plein d'humiliation. La liberté qu'on reconquiert sur le traumatisme, elle est plus belle, j'allais dire, que celle dont on jouissait avant. Parce qu'on est passé comme par une initiation. Et une initiation à la mort, quand même. Ceux qui se murent dans le silence, parce qu'il y en a, ceux qui se murent dans le silence vont, en général, aller très mal, de plus en plus. Le 12 juin 2000, le photographe Brice Fletiot est libéré par les forces russes, après 8 mois de détention. La guerre, la peur, puis le retour à un quotidien qui peut paraître banal ou décevant, il n'a pas supporté. Il a mis fin à cette vie trop lourde, en 2001. Vos amis en France font. Pour digérer l'horreur, Georges Malbruno, Christian Cheneau vont devoir parler, dire ce qui leur a fait mal, ça prend du temps, mais retrouver le goût du bonheur, c'est remporter une victoire sur les preneurs d'otages. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Brice Fletiot, otage et reporter, notre invité Pierre Aski, président de Reporters sans frontières. Bonjour Pierre Aski. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez débuté à l'AFP, puis vous avez rejoint le journal Libération en 1981, en partageant votre travail entre ce journal et des correspondances à l'étranger, Jérusalem, Pékin, puis vous devenez directeur de la rédaction de Libé avant de quitter le journal et de monter en mars 2007 le site d'information Rue 89. Vous êtes chroniqueur Nouvel Observateur, et puis en juin 2017, vous avez été élu président de l'association Reporters sans frontières qui défend la liberté d'informer partout dans le monde, et les mots ayant un sens, on reviendra sur les mots de cette identité de RSF. Alors on l'a vu avec l'exemple de Brice Flotiot, les conditions de détention sont très dures pour des journalistes qui sont pris en otage, évidemment, et lorsqu'ils sont libérés, il y a une autre période difficile, qui peut être tellement difficile qu'elle peut aller jusqu'au drame, et c'est le cas de Brice Flotiot. Est-ce que RSF travaille en aval du phénomène, c'est-à-dire après auprès de ces journalistes, quand ils ont été détenus, retenus en otage, est-ce que vous travaillez avec eux pour qu'ils reviennent dans cette vie libre? Et on sait à quel point ce n'est pas facile. Alors, pendant très longtemps, c'est resté un tabou. Le stress post-traumatique, comme on dit, était un tabou parmi les journalistes, y compris aussi d'ailleurs parmi les militaires ou les humanitaires, c'est-à-dire les gens qui avaient été exposés à des situations, que ce soit otages ou témoins de drames, de massacres, d'horreur absolue dans des théâtres de guerre, n'étaient pas pris en compte. Après, c'est de moins en moins un tabou, parce que je pense qu'on a pris conscience de l'ampleur du phénomène et du fait qu'il n'était pas aisé à déceler. RSF travaille en amont et en aval. En amont, dans la mesure où il y a énormément de préparation psychologique au départ dans un théâtre d'opération, quelle que soit son expérience professionnelle, que ce soit la première fois ou qu'on soit un vieux routier des conflits. Et il y a notamment sur le site de RSF un petit guide qui a été préparé en liaison avec l'UNESCO, qui est un guide de la sécurité des journalistes. Alors il y a plein de conseils pratiques sur les assurances, sur les pièges du reportage de guerre, mais il y a aussi toute une partie sur la psychologie, que ce soit en amont ou en aval. Alors RSF, toute l'équipe de RSF est en train d'être formée depuis quelque temps à la prise en compte de ce risque-là, et en particulier de le déceler, parce que la chose la plus difficile, c'est la personne qui revient d'une situation difficile, que ce soit otage ou témoin ou pris dans des situations dramatiques, et qui dit « non, tout va bien ». Et comme le disait un des otages qu'on entendait tout à l'heure, la personne qui se mure, qui met une façade, un mur de béton en disant « tout va bien ouais. », c'est sans doute celle qui va le plus mal. Et donc, il y a toute une technique aujourd'hui pour déceler ce stress post-traumatique chez les gens qui reviennent de ces situations. Et ensuite, RSF n'est pas une institution de soins, et donc on essaye de les orienter vers des gens qui sont des spécialistes de ces questions. Il y a notamment le Centre Primo Levi à Paris, il y a une association qui s'appelle Trace, et qui travaille en liaison avec RSF, et vers lesquels on peut diriger des gens qui montrent en tout cas à la fois qui exprime ce mal ou chez qui on le décèle et à qui on peut recommander de la manière la plus douce et la plus amicale d'aller les voir. Brice Flotiot, c'est allé jusqu'au drame, c'est allé jusqu'au suicide. Alors évidemment, le suicide, c'est très intime, hein, c'est difficile de dire pourquoi. Ça dépend des gens, des personnalités. Qu'est-ce qui peut expliquer que chez Brice Flotiot, ce soit allé jusque-là? Je pense que c'était une époque où on n'en parlait pas. Où les gens qui revenaient... Manque de soutien, justement, c'est oui, ça? Oui, je pense. Ou manque de soutien, ou manque de lucidité par rapport à ça. C'est-à-dire que effectivement, quelqu'un qui est dans le déni, en disant « mais je vais très bien, en gros, foutez-moi la paix », et c'est sans doute quelqu'un qui va mal et qu'on a besoin d'aider, mais qui refuse cette aide. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus conscient. Je pense qu'on est loin d'être parfait, et je pense que la France a un certain retard par rapport au monde anglo-saxon, qui a pris en compte cette ces problèmes depuis beaucoup plus longtemps. Mais je pense qu'à l'époque de Brice Flotiot, donc en 2000-2001, on était beaucoup moins conscient de l'existence même de ce problème, et on n'était pas armé pour y faire face, et y compris et surtout l'entourage immédiat de la personne à son retour. Alors, Reporters sans frontières fait toujours tout son possible, et c'est pas la peine de le cacher aux auditeurs, il se trouve que je connais bien jusqu'à l'intimité l'activité de RSF. Et je sais que lors d'une prise d'otage, même si on fait tout, on est quand même assez impuissant. RSF est assez impuissant pendant la prise d'otage. C'est pas RSF qui négocie. C'est difficile de faire quelque chose. Hein. C'est la phase la plus difficile. Oui, parce que d'abord pour ceux qui sont pris en otage et pour RSF aussi. Oui, parce que RSF essaye d'être d'abord efficace. Et est-ce que l'efficacité, c'est de se taire ou de parler? Est-ce que l'efficacité, c'est de faire pression sur les autorités, de faire du bruit ou de pas faire de bruit? Chaque cas est évidemment différent et exceptionnel. Il y a la prise en compte des familles, de l'angoisse et de la douleur des proches, de la rédaction d'origine quand il y en a une, de la personne qui est en otage. Donc il y a tout un tas de paramètres et RSF essaye de fédérer un peu tout ça et d'être le plus efficace en appui dans un contexte politique qui peut être défavorable parce que on n'a pas toujours un gouvernement qui est réceptif à l'idée de défendre ses otages parce que ça peut gêner une situation politique, un contexte particulier, une situation diplomatique ou militaire. Donc le rôle de RSF c'est d'être efficace à la fois vis-à-vis des familles, vis-à-vis de l'opinion publique et vis-à-vis du gouvernement pour faire une seule chose, c'est faire libérer l'otage en question. C'est aussi marcher sur des œufs, hein, vous le disiez tout à l'heure. On peut aussi dire des choses dans le cadre d'une action aussi sincère que celle de RSF, mais qui se retourne contre la personne prise en otage, si on n'est pas prudent. Oui, tout à fait. Par exemple, on voit bien aujourd'hui qu'une partie des prises d'otages sont du business. C'est d'extraire une rançon, de monnayer l'otage. Le fait d'en faire un héros, de le mettre tous les soirs à la télé, par exemple, comme ça avait été le cas, vous vous souvenez, des journaliste de la télé qui avait été enlevé. D'Antenne 2 à l'époque. D'Antenne 2, oui. Ça peut faire monter les enchères et ça peut donner plus de prix à l'otage en question. Donc là, par exemple, c'est typiquement un effet boomerang, c'est-à-dire que vous pensez travailler pour le bien de l'otage et en fait, vous avez fait monter les enchères en faisant une personnalité de premier plan dans le pays. Donc il faut effectivement naviguer de manière très fine avec aussi souvent ce conseil que donnent les autorités, et surtout ne faites pas de bruit, on fait pression sur les familles pour qu'elles n'en parlent pas. Souvent, ça peut être à bon escient, mais ça peut être aussi pour simplement pas faire de vagues dans une période, par exemple, préélectorale. Oui, alors, ça nous renvoie à l'épisode du 6 janvier 2010, des journalistes de France 2 sont enlevés en Afghanistan. Réaction de Nicolas Sarkozy. Eh bien, il est furieux contre les journalistes enlevés. Il dit, mais ils prennent trop de risques. Et finalement, ils nous mettent, nous, la France, dans l'embarras. Est-ce que c'est pas aller totalement à l'encontre de l'essence même du journaliste et du reportage, d'aller éclairer les zones d'ombre? Mais évidemment. D'une part, le moment où il dit ça est quand même indécent, parce que ces journalistes sont effectivement otages. Et même si il a peut-être raison sur les circonstances, c'était quand même d'une maladresse et d'une presque offensant quoi, vis-à-vis d'eux. Et deuxièmement, les journalistes sont nécessairement là pour aller là où on ne veut pas qu'ils aillent. C'est leur boulot. Alors le problème, c'est que le monde s'est pas mal rétréci ces dernières années pour les journalistes. Et il y a des no-go zones pour le reportage qui sont apparues parce que la vision du journalisme a changé aussi dans le monde. Où ça, par exemple? Où est-ce que les portes sont vraiment fermées? Dans le du côté djihadiste, par exemple. Personne ne peut aller faire un reportage, plus maintenant, mais à Raqqa ou à Mossoul quand c'était aux mains de l'État islamique, et espérer en revenir vivant, parce que et ça avait commencé en fait avec les événements en Algérie dans les années 90. C'était tout d'un coup une guerre où on n'avait pas d'image et pas de reportage du côté des djihadistes. Et là, il y avait une différence d'époque. Autrefois, les guérillas les mouvements de libération en Afrique, moi j'ai beaucoup travaillé en Afrique australe, les mouvements de libération d'Afrique australe, mais demandaient, suppliaient les journalistes de venir les voir parce que ils avaient besoin de notoriété et de faire connaître leur cause. Et donc, c'était facile de partir avec eux ou de partir avec les Kurdes à l'époque de Saddam Hussein, etc. Aujourd'hui, il y a une partie de ces mouvements, donc en particulier du côté des djihadistes, qui considèrent que le journaliste occidental Bah, c'est un représentant de l'Occident, c'est un des bras armés du monde occidental, et que c'est un ennemi, de même que le soldat ou l'humanitaire. Les humanitaires sont à peu près dans la même situation. Ils sont aujourd'hui des cibles, comme les journalistes, là où ils étaient autrefois des témoins qui pouvaient prendre une balle parce qu'ils étaient au mauvais endroit ou tomber effectivement dans des traquenards et devenir otages. Là encore, la question de l'argent est souvent très très présente. Merci Pierre Reschio, on va se retrouver dans 3 minutes, le temps d'écouter un disque, de souffler un peu. Et puis après on va plus parler de RSF, Reporters sans frontières, vraiment une association d'utilité publique. Et c'est bien de pouvoir en parler au moins quelques minutes. Je reviens encore. Tu n'as même pas vu que j'étais partie alors. Je suis revenue comme on rentrerait au port. Fatiguée par-dessus bord, je reviens. De Reporters sans frontières et rendre hommage au travail que vous faites, car il est évidemment d'utilité publique. La carte d'identité par les mots de Reporters sans frontières, c'est défendre la liberté d'informer partout dans le monde. Alors, défendre la liberté d'informer, ça va au-delà de la défense de la liberté de la presse, parce qu'il y a des prestataires d'information qui sont pas forcément liés à un journal, à une radio, à la télé. Il y a des blogueurs, c'est important. Ils donnent de l'information importante. Tout à fait. Je pense que les journalistes n'ont pas le monopole de l'information. Ils ont une place dans la chaîne de l'information qui est importante parce qu'ils apportent de la vérification, de la hiérarchisation, de la contextualisation. Du sens. Mais ils ne sont pas les seuls à faire de l'information. Et en particulier, dans les pays où la liberté de la presse est malmenée, il y a d'autres acteurs qui ont leur importance, et en particulier, vous l'avez dit, les blogueurs et d'une certaine manière les citoyens en général. Et d'ailleurs, dans le décompte que fait RSF des victimes de cette liberté d'informer, on compte depuis le mois de janvier de cette année 50 journalistes tués, mais il y a aussi 7 journalistes citoyens qui ont été tués, c'est-à-dire des citoyens qui faisaient cette fonction d'informer dans des situations complexes. Et ça, c'est une réalité qui aujourd'hui a pris une place particulière avec les blogs, les réseaux sociaux, etc. Et les lanceurs d'alerte. Alors, par rapport aux lanceurs d'alerte, quel est votre positionnement ? Le lanceur d'alerte n'est pas un journaliste. Il est. Il donne de l'info, quoi. Il donne de l'info, mais il est celui qui déclenche le coup de projecteur sur une affaire. Et le lanceur d'alerte mérite évidemment protection et défense. Mais c'est un autre sujet à la fois juridique et militant, parce que c'est une vieille histoire. Vous avez la longue histoire des lanceurs d'alerte est extraordinaire, d'ailleurs, que ce soit sur des sujets très politiques. On se souviendra toujours des Pentagon Papers pendant la guerre du Vietnam. Daniel Ellsberg, qui était vraiment peut-être une des figures les plus connues des lanceurs d'alerte, dont on a reparlé au moment de Snowden et de WikiLeaks, etc. Mais c'était une autre époque, c'était dans les années 60. Et Daniel Ellsberg a été celui qui a sans doute fait basculer l'opinion américaine sur la guerre du Vietnam. Mais vous avez des lanceurs d'alerte dans d'autres domaines, comme Irène Frachon, ou des sur la médecine, sur le système pénitentiaire. Enfin bref, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de reconnu et de valorisé. Vous savez qu'on a parlé de vous un mardi dans Affaires Sensibles, lorsqu'on a fait une émission sur le Darknet, et où on a raconté aux auditeurs que notamment vous passiez par le site Tor, qui est le plus connu du Darknet, qui est intéressant parce que justement il protège l'anonymat des prestataires d'informations, qu'ils soient journalistes ou pas journalistes. Alors je parlais tout à l'heure du guide de la sécurité des journalistes, il y a tout un volet sur la cybersécurité. Oui. Et aujourd'hui c'est une dimension absolument essentielle, et RSF fait des formations au Kazakhstan ou en Turquie auprès de journalistes locaux pour leur apprendre à sécuriser leurs données, donc à passer par des messageries cryptées, à passer par des canaux sur lesquels ils ne seront pas repérés et dans lesquels ils peuvent en toute sécurité échanger avec leurs sources, par exemple. Et évidemment, dans des pays répressifs, c'est capital. Donc oui, effectivement, il y a aujourd'hui une dimension de sécurité informatique qui est absolument capitale et qui doit être prise en compte par tout journaliste qui veut exercer ce métier sur des sujets sensibles et dans des situations dangereuses. Je reprends donc l'intitulé de RSF, défendre la liberté d'informer. Ça, c'est la première partie de la phrase. La deuxième, c'est partout dans le monde. Or, si je ne m'abuse, la France, elle fait partie de partout dans le monde. Elle est aussi dans le monde. Oui, ben, vous savez. Alors, que la France, dans le classement de RSF, est pas si bien placée que ça. Elle est parmi les pays libres, on va dire quand même. Hein. Oui, parmi mais bien libres. Sûr, bien sûr. Mais elle est 32e, ce qui n'est pas. Voilà, on pourrait imaginer qu'un pays comme la France se retrouverait en meilleure position que ça. Et mais il faut dire une chose, c'est que cette définition, elle était visionnaire de RSF, parce que la défense de la liberté d'informer a évolué. Il y a peut-être 10-15 ans, la principale mission de RSF, c'était, voilà, un journaliste se fait mettre en prison en Turquie, bah, RSF va le défendre et organiser une campagne pour lui, etc. Aujourd'hui, les menaces sur la liberté d'informer ne se limitent pas à la défense des journalistes dans les pays autoritaires. On voit bien aujourd'hui, prenez Donald Trump, pour parler de quelqu'un qui nous occupe beaucoup. Quand Donald Trump dénonce CNN comme un fournisseur de fake news, donc de fausses informations, l'expose sur la place publique, il donne un feu vert à la chasse aux journalistes, parce que si le président des États-Unis désigne la chaîne la plus connue des États-Unis comme étant source de mensonges, c'est de, tout ça, le métier voilà, qui est stigmatisé. Et donc vous avez cette tentative de délégitimer les journalistes qui est aujourd'hui une véritable menace. Et puis vous avez cette question fondamentale des ce qu'on appelle les fake news, c'est-à-dire qu'il y a un mot qui recoupe plusieurs réalités, que ce soit des manipulations, que ce soit du business. Et là, ça fait partie aussi de la mission de RSF de lutter contre ça, parce que la liberté d'informer, elle est multiforme aujourd'hui. Et si vous voulez que RSF continue son combat, il lui faut des moyens, hein, c'est normal, c'est le nerf de la guerre, c'est partout comme ça, et notamment il faut acheter l'album photo Reporters sans frontières, il est mensuel, hein, c'est ça? C'est trimestriel, celui-ci s'appelle les JO, photo de Raymond Depardon, c'est magnifique, voilà, il est magnifique, il sera en kiosque le 7 décembre. Tous les albums de Reporters sans frontières. Merci infiniment, Pierre Aski, président de RSF. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Brice Fletiot, otage et reporter. Une fiction écrite par Manuel Calma, réalisée par Michel Sidorov et Anne-Li Auro. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Antoine Teboul et Basile Bocquer.